diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Monsieur le Président, excusez-moi du dérangement. Vous voulez combattre la corruption? Je vous propose ma solution. Combattez d'abord la misère. Effacez la misère. Augmentez le salaire des fonctionnaires. Augmentez le salaire des travailleurs. Ils sont dans la galère. Avec leur salaire de misère, ils vivotent. Tandis que le gouvernement fait des colloques. Champagne et caviar. Ils tirent le diable par la queue. Tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Comment payer le loyer? Comment payer l'eau? Payer l'électricité? Casse-tête chinois. Comment payer les médicaments? La scolarité des enfants. On dit que les policiers sont corrompus. Avec leur salaire misérable, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils survivent de façon exécrable. Bakchich et raquettage, sans oublier les dessous de table. Ils tirent le diable par la queue. Ils tirent le diable par la queue. Ils tirent le diable par la queue. Le diable par la queue. Les médecins, les ouvriers, les professeurs, les instituteurs, même salaire, même galère. Messieurs les présidents, excusez-moi du désagrément. Vous voulez vraiment combattre la corruption? Je vous propose ma solution. Justifiez d'abord votre fortune. Justifiez la fortune de vos ministres. Alors, vous comprendrez notre amertume.